Belle fin de week-end avec Nostalgie. Michel Polnareff prépare bien sûr sa nouvelle tournée avec Nostalgie. Ce sera à partir du 6 mai à Caen et son tout nouvel album dont voici justement le premier extrait avec Etc. sur Nostalgie. Il y a des soirées à éviter quand on décide de la tenter. Quand un plus un, ça fait pas deux. Tous les calculs se montrent nombreux. Je lui ai dit quoi, elle m'a dit qui. Il m'a dit qu'il n'était pas elle. Elle m'a dit qu'elle n'était pas lui. Je me suis cassé à tiro d'elle. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Et elle m'a dit je suis un presqu'île. Et mon copain est un presqu'elle. J'ai répondu ainsi soit-elle. Je vais en confesse chez la curée. Je lui ai dit quoi, elle m'a dit qui. Il m'a dit qu'il n'était pas elle. Elle m'a dit qu'elle n'était pas lui. Je me suis cassé à tiro d'elle. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Il est 21h, Lucky Moine Edition reviendra de 22h à 2h du matin. D'ici là, Whitney Houston, Daniel Balavoine et puis Jean-Pierre François débarquent maintenant dans ce tout nouveau quart d'heure. C'est sur Nostalgie. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je de week-end avec Nostalgie et les plus grands tubes, avec Indochine en l'occurrence, La Belle et la Bête sur Nostalgie. Soyons des anges exigeants, des gouttes d'eau dans l'océan. Et belle fin de journée! Nostalgie! Et c'est Nostalgie dans la radio, effectivement, et sur Nostalgie que des Good News. En voilà encore une, justement. C'est Juliette Binoche qui présidera le jury du prochain Festival de Cannes, la 78e édition du 13 au 24 mai prochain. On a hâte, évidemment, et d'ici là, eh bien, je prépare une toute nouvelle demi-heure de musique non-stop pour la suite. Nostalgie! La musique ne s'arrête pas. Et avant 22h, je vous promets notamment les YouTube, François Fellman ou bien encore Johnny, ce sera bien pour vous sur Nostalgie. Les matins nostalgie avec Philippe et Sandy, 6h-9h. Alors je vais vous raconter l'histoire du vol de Los Angeles-Shanghai. Ça s'est passé samedi. Au bout de 2 heures de vol, le pilote s'est rendu compte qu'il avait oublié son passeport chez lui. Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il était en l'air. Mais on n'y pense pas. Les gars, ils doivent avoir leur papier. Exactement. C'est comme pour les passagers lambda, en fait. Les pilotes doivent avoir leur passeport, leur papier pour rentrer dans un pays. Et aussi leur permis de conduire l'avion. Oui, par exemple. Ça, c'est obligatoire. Les matins nostalgie, bonne musique, bonne humeur. Nostalgie, les plus grands tubes. Vous l'adorez, tous ces plus grands tubes sont sur Nostalgie. Phil Collins. Nostalgie. Les plus grands artistes sont sur Nostalgie. Les plus grands tubes. Sherwood Park. Venez découvrir des nouvelles sensations sur 13 hectares de forêt. Avec plus de 450 jeux dans les arbres et 20 attractions. 40 parcours acrobranches. La super tyrolienne, 260 mètres de long, qu'on dévale à 60 km/h. Le village dans les arbres, le labyrinthe géant. Randonnée en quad, paintball, laser game, tir à l'arc ou à l'arbalète. Sherwood Park, le plus grand parc d'aventure de France à moins de 30 km au nord de Paris. Sherwoodpark.com 01 34 09 36 44. En route pour Sherwood Park. Vous sortez du yoga, vous avez fait le cobra, le chien tête en bas, l'aigle qui pleure, et il fait presque beau. Là, on est détendu. Trop détendu peut-être pour aller faire les courses. Alors, vous les commandez sur Deliveroo et namasté. Vous profitez de 30% de réduction sur tout votre panier. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là, on est bien. Offre disponible près de chez vous selon les conditions des commerces participants sur Deliveroo.fr. Minimum de commande de 55 euros. Pour votre santé, évitez de grignoter. Toujours plus de frissons, encore plus d'adrénaline. La Foire du Trône est de retour à partir du 4 avril. Avec cette année encore plus de nouveautés, des attractions pour toute la famille, des stands gourmands, des restaurants et bien sûr les autos tamponneuses et les manèges à sensations. Vous êtes prêts? La Foire du Trône ouvre vendredi 4 avril à 16h et dure 2 mois. Retrouvez-nous jusqu'au 9 juin, pelouse de Rueil, Paris 12e. Entrée gratuite, parking Bercy 2 puis navette petit train entièrement gratuit. Plus d'infos sur foiredutrône.com. Nostalgie, les plus grands tubes. Nostalgie, bonne musique et bonne humeur toute la journée. Nostalgie. Maintenant, sur Nostalgie. Une demi-heure non-stop avec les plus grands tubes. Nostalgie. Yeah!

constantly feel myself slipping, slipping more and more waves in that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.